chemin. Mais ma papa n'y a pas de mon intelligent. A sous la tête, ni trop, mais c'est qu'à faire plaisir et profiter. En bas la tête, ni trop fait, ni trop mal fait. Tout ça qui vaut, tout ça qui va bien. Ami, c'est bang, di bang, di bang, bang, zling, bang, dilly, bang, di bang, di bang, bang. Nous n'avons gardé pour sentir ça qu'à passer bien voir que la voix pas qu'à dormir, moi nous dormi. Dormi. Si c'est un peu comme écoutez bien ça qui vivait en y a servi, t'es même pas chaussette, en paix souliers. Allez, la pluie tombée, en l'air, soleil, la bataille, bah, arrête là, moi j'ai beau dire, mais ça qui est plus mauvais. Chou, chou, chou, chou, cha, cha, bi, j'aimerais t'en l'air.